إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد dans la séance d'aujourd'hui, nous allons parler d'une adoration très simple, mais qui est parfois négligée par les gens en raison du fait que nous ne sommes pas conscients de l'importance de sa récompense. Et cette adoration, elle te permettra d'être parmi les jeûneurs de ceux qui obtiennent la plus grande des récompenses. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala a rapporté qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: qui parmi ceux qui luttent sur le sentier d'Allah a la récompense la plus grande, ô messager d'Allah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: celui parmi eux qui évoque Allah de la façon la plus abondante. L'homme lui dit alors: et qui parmi les jeûneurs a la récompense la plus grande? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: celui parmi eux qui évoque Allah de la façon la plus abondante. Puis il l'interrogea de la même manière au sujet de la prière, au sujet de la zakat, au sujet du pèlerinage, au sujet de l'aumône. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: celui parmi eux qui évoque Allah de la façon la plus abondante. Abu Bakr dit alors à Omar radiyallahu anhuma: les adeptes du dhikr, les adeptes du rappel d'Allah, on saisit tout bien. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam confirma la parole d'Abu Bakr. On voit donc à travers ce hadith l'importance de cette adoration qui est le rappel d'Allah, le dhikr, qui a une influence directe sur la récompense de tes œuvres. Si tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante, que ton cœur est présent lorsque tu jeûnes, que ta langue est humide du rappel d'Allah, également que tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante dans tes prières et dans l'ensemble de tes œuvres, alors la récompense de tes œuvres sera d'autant plus grande, bi'inillahi ta'ala. Et ceci doit t'encourager à multiplier le dhikr, à multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus en ces jours de Ramadan, durant lesquels il convient aux croyants de multiplier les œuvres de bien pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre de nous rappeler de lui de façon abondante. Il a dit subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui croyez, rappelez-vous d'Allah d'une façon abondante. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour, c'est-à-dire le matin et le soir, en début et en fin de journée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs croyants qui se soumettent à cet ordre et se rappellent de lui de façon abondante. Il a dit subhanahu wa ta'ala: وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا. Ceux et celles qui se rappellent d'Allah de façon abondante, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc la question qui se pose ici est de savoir comment doit-on faire pour se soumettre à cet ordre et faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah de façon abondante, afin d'obtenir ses récompenses, d'obtenir ses mérites immenses, d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah a mentionné dans l'explication de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de se rappeler de lui d'une façon abondante. Et ceci a lieu en faisant le tahlil, qui consiste à dire la ilaha illallah, le tahmid, qui a lieu en disant alhamdulillah, le tasbih, qui a lieu en disant subhanallah, et le takbir, qui a lieu en disant Allahu Akbar. Donc, tu peux faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah de façon abondante en multipliant la prononciation de ces paroles: La ilaha illallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, et autres parmi les formes de rappel. Et il dit, rahimahullah, comme avec toute parole qui rapproche d'Allah. Toute parole que tu prononces et qui est une parole qui te rapproche d'Allah, alors elle fait partie du rappel d'Allah. Entre dans cela le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'enseignement de la science, sa diffusion, et également les belles paroles que tu prononces à ton entourage, à tes parents, à ton époux, à ton épouse, à tes frères et sœurs, et ainsi de suite. Car la bonne parole est une aumône. Elle fait donc partie du rappel d'Allah. Si tu prononces une parole plaisante à tes parents pour les réjouir, ceci peut entrer dans la récompense du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, et le minimum de cela, c'est-à-dire le minimum pour te soumettre à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui t'ordonne de te rappeler de lui d'une façon abondante. Il dit le minimum est que l'homme soit assidu aux formules de rappel du matin et du soir, les adhkar du matin et du soir, qui sont d'une grande importance. Il dit aussi, après les cinq prières quotidiennes, il est légiféré pour toi de faire du dhikr. Donc ne néglige pas cela. Ne retourne pas vaquer à tes occupations immédiatement après les salutations de la prière. Mais fais du dhikr. Reste assis à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te lève pas. Ne quitte pas ton lieu de prière. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante. Il dit donc le minimum pour faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante. Que l'homme soit assidu aux formules de rappel du matin et du soir. Après les cinq prières. Et au moment et dans les situations où cela est légiféré. Par exemple, avant de manger, après manger, en entrant chez toi, en sortant de chez toi, en entrant aux toilettes, en sortant des toilettes. Et ainsi de suite parmi les différentes formules de rappel qui sont légiférées tout au long de la journée. Si tu es assidu à cela, alors tu feras partie de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante. Il dit ensuite, rahimahullah, et il convient d'être constant en cela en tout temps et en toute situation. D'être constant dans le rappel d'Allah, en tout temps et en toute situation. Car ceci est une adoration par laquelle celui qui œuvre prend les devants et trouve l'apaisement. En effet, c'est dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas trouver l'apaisement, le bien-être, l'épanouissement de ta poitrine. Il dit ensuite, rahimahullah, et ceci le mène à l'amour d'Allah, à le connaître, l'aide dans le bien et préserve la langue des mauvaises paroles. Masha'Allah. Celui qui est assidu au rappel d'Allah, sa langue, elle va s'habituer à prononcer le bien. Elle va s'habituer à prononcer de belles paroles. Et cela va lui éviter de prononcer des mauvaises paroles. Par exemple, lorsque la monture trébuche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de mentionner le nom d'Allah, de dire Bismillah. Les gens dont la langue n'est pas habituée au rappel d'Allah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prononcer une mauvaise parole. Lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils trébuchent, lorsqu'ils échappent à un objet, ils vont prononcer une mauvaise parole. Mais celui dont la langue est habituée au rappel d'Allah, qu'est-ce qu'il va dire? Bismillah, Subhanallah, Allahu Akbar, et ainsi de suite. Donc ceci va le préserver de beaucoup de mauvaises paroles. Et cela va l'aider dans le bien et le mener à l'amour d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, il trouvera l'apaisement et l'épanouissement de sa poitrine bi'inillahi ta'ala. L'imam al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, a mentionné dans l'explication de ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cela sans limite. En effet, il a dit « Uthkurullaha dhikran kathira » Rappelez-vous d'Allah d'une façon abondante. Il n'a pas mentionné de limite. Pourquoi? Il nous explique, il nous dit, il a légiféré cela sans limite, car c'est une chose simple pour le serviteur, et qu'il y a en cela une récompense immense. En effet, c'est une chose simple de te rappeler d'Allah. Est-ce que c'est compliqué pour toi de dire, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar? Est-ce que cela est difficile? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Est-ce qu'il y a une difficulté pour toi à prononcer ces paroles? Par exemple, tu prends ta voiture pour te rendre au travail. Prononce ces paroles sur le chemin du travail. Si tu marches dans la rue pour te rendre à la mosquée ou lorsque tu es en train de faire tes courses, lorsque tu es dans une salle d'attente, cette attente que tu trouves peut-être interminable, tu peux en faire un butin immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? En utilisant ta langue dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. En prononçant ces simples paroles. Il dit ensuite, rahimahullah, toujours l'imam al-Qurtubi, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « Nul n'est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah, sauf celui qui a perdu la raison. » Nul n'est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah, car c'est une adoration très simple. Il n'y a que celui qui a perdu la raison qui est excusé. Mais celui qui a sa raison, pourquoi il se prive de ces récompenses immenses? Pourquoi il se prive de ce grand bienfait? Pourquoi il se prive de ce pardon? Pourquoi il se prive de ce bonheur et de cet apaisement? Donc pour être de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante, il te convient d'être assidu à cela, assidu à adhkar du matin et du soir, assidu à adhkar après ta prière, assidu à adhkar en entrant chez toi ou en sortant de chez toi, avant de manger, après manger, et ainsi de suite. Fais en sorte d'être assidu à cela. Et prends avec toi les recueils de hadiths à ce sujet comme Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, ou encore les invocations authentiques et autres parmi les livres, qui vont t'aider à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces situations comme cela nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne méprise pas cela, ne pense pas que ceci est un acte sans importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Wala dhikrullahi akbar » Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qu'il contient, à l'exception du rappel d'Allah et ce qui s'y rattache, ou un savant ou un apprenant. » Ce bas monde est maudit, car celui qui s'y attache, celui dont le cœur est attaché au bien vil de ce bas monde, alors celui-ci va l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il s'éloigne d'Allah, qu'il s'éloigne du rappel d'Allah, alors ceci va l'éloigner de la demeure des délices dans l'au-delà, qui est le paradis. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce bas monde est maudit, et que tout ce qu'il contient est maudit, à l'exception du rappel d'Allah. Multiplie donc le rappel d'Allah, et ce qui s'y rattache, ou un savant ou un apprenant. Et ceci te montre également le mérite de la science, de son apprentissage et de son enseignement. Donc tout cela suffit pour te démontrer l'importance du rappel d'Allah et la place que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala doit occuper dans ton quotidien. Car c'est un des moyens les plus immenses qui te permettra également de purifier ton cœur, d'augmenter ta foi, et c'est le lien entre toi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car le serviteur qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se rappelle pas de son Seigneur, il est semblable à un mort, il est semblable à un corps sans vie. C'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne s'en rappelle pas sont semblables aux vivants et aux morts. » Celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, qui oublie Allah, qui ne fait pas de dhikr, il est comme un mort. Alors que celui qui fait beaucoup de rappels d'Allah, celui dont la langue est sans cesse humide par le rappel d'Allah, celui dont le cœur est présent lors de ses adorations, celui qui multiplie les œuvres de bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci est semblable au vivant. C'est donc par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas faire vivre ton cœur. Et la meilleure forme de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon absolue est la récitation du Qur'an. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullahu ta'ala a dit à ce sujet « Sache que la récitation du Qur'an est la forme de rappel la plus méritoire et ce qui est attendu et la lecture avec méditation. » Et on rapporte de Sofyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, un des imams parmi les imams des salafs, qu'il a dit « Nous avons entendu que la lecture du Coran est la forme de rappel la plus méritoire si celui-ci est mis en pratique. » Et ça, c'est très important également, de ne pas négliger la méditation et la mise en pratique du Coran. De ne pas te contenter de le lire sans méditation et sans faire suivre cela de la mise en pratique des enseignements qui se trouvent dans le Coran. Donc ce Coran, c'est le meilleur des dhikr. Sa récitation est la manière la plus méritoire de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Multiplie donc la lecture du Coran, d'autant plus durant ce noble mois, qui est le mois du Coran, le mois durant lequel il a été révélé. Mais ceci ne veut pas dire que tu dois négliger les autres formules de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais saisis ta part de récompense dans chacune des portes de bien qui s'offrent à toi. Et rappelle-toi que le dhikr, en plus d'être une œuvre méritoire aux récompenses immenses, c'est une œuvre qui te permettra d'être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « L'enfant d'Adam n'accomplit pas une œuvre le sauvant plus du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah. » Allahu Akbar. Tu multiplies ces formules de dhikr, ces formules de rappel, la lecture du Coran et ainsi de suite. Et ceci est une cause pour te sauver du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres pieuses qui perdurent sont la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La prononciation de ces paroles fait partie des œuvres pieuses qui perdurent. C'est-à-dire les œuvres pieuses que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont tu profiteras de la récompense. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, les paroles les plus aimées d'Allah sont au nombre de quatre. Peu importe par laquelle tu commences. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ce sont les paroles les plus aimées d'Allah. Donc au lieu d'utiliser ta langue pour prononcer des paroles qui ne te sont d'aucun intérêt ici-bas et dans l'au-delà, ou pire encore, pour prononcer des paroles qui te seront nuisibles, utilise plutôt ta langue dans le rappel d'Allah. Multiplie la prononciation de ces paroles. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons un jour, ne vais-je pas t'indiquer un trésor parmi les trésors du paradis? Il lui dit ensuite, la hawla wa la quwwata illa billah. Un trésor parmi les trésors du paradis. Donc ces paroles, elles vont te mener à un paradis éternel bi'idhnillahi ta'ala. Ne méprise donc pas cela. Et ne pense pas que ce sont des actes insignifiants. Ce sont des actes très lourds dans la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il y a deux paroles qui sont aimées d'Ar-Rahman, du tout miséricordieux, qui sont légères sur la langue et qui sont lourdes dans la balance. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Et dans un autre hadith, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit 100 fois subhanallahi wa bihamdihi, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. En disant juste 100 fois subhanallahi wa bihamdihi, tes péchés seront effacés. Tu vois donc comment, en raison de notre insouciance et en raison parfois de notre attachement à ce bas monde, nous nous privons nous-mêmes de ces récompenses immenses. Wallahu al-musta'an. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous aider à être de ceux qu'il évoque de façon abondante afin de faire partie de ceux qui réussissent, car il a dit subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Et rappelez-vous d'Allah de façon abondante, ainsi vous obtiendrez la réussite. Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.